Bonjour à tous, bienvenue dans Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois par téléphone une invitée qui va nous parler donc du futur événement Enfantina qui va se dérouler au village du livre à Fontenoy-la-Joûte. Bonjour Mélanie. Bonjour Sarah, merci de m'inviter. Eh bien, je suis ravie que tu aies accepté cette invitation. Donc aujourd'hui, tu es avec nous pour nous parler donc de cet événement Enfantina qui va se dérouler donc les 18 et 19 juin, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Au sein du village. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous dire déjà en quoi ça va consister? Et puis surtout, parce qu'on a déjà le titre avec le mot enfant dedans, est-ce que c'est pour un public uniquement dédié aux enfants ou pas? Eh ben, c'est pour petits et grands enfants. Bah, super. C'est vrai que c'est notre fête du livre jeunesse. Donc, on aura le concept, c'est une programmation d'auteurs, de maisons d'édition et un marché du livre, plus nos librairies, nos 10 librairies locales qui seront ouvertes et d'accord, qui mettront en valeur effectivement une sélection jeunesse, surtout pour les petits aussi, ouais, parce que c'était vraiment ce qu'on voulait, c'était que les plus petits déjà qui commencent à lire puissent s'y retrouver au village du livre et passer un bon moment. Et puis bien sûr leur famille et tous leurs proches sont les bienvenus, et pour que ce soit un moment familial, et donc il y aura aussi des animations et pour tous les âges. Alors justement, on parle d'Enfantina, mais je crois que vous organisez aussi d'autres manifestations dans l'année. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors le village du livre, là maintenant par tradition, c'est 5 fêtes du livre. Okay. Durant l'année, oui. Donc entre avril et fin septembre. D'accord. On a plusieurs thématiques, dont cette fête du livre jeunesse et une fête de la BD, qui sont les thèmes par contre qui reviennent tous les ans. Et après, on essaie de varier en fonction des rencontres, des envies des auteurs et des artistes aussi. Donc on essaie d'avoir une programmation assez riche sur toute l'année. D'accord. Et le concept reste toujours le même. C'est toujours, en fait, comme un salon du livre, sauf que c'est l'avantage pour ceux qui imaginent salon du livre, souvent c'est à l'intérieur. Ouais. Et nous, c'est dans les rues du village. Donc on a cet avantage-là au village du livre qu'on est à la fois un salon littéraire et une fête de village populaire, ouais, où on peut se promener et profiter voilà, du fait d'avoir la buvette en extérieur, ouais, les animations en extérieur. Voilà. Ça donne un côté très convivial en fait à l'événement. Exactement. Et les enfants s'y retrouvent très bien d'ailleurs, parce que c'est vrai que pour eux, les salons à l'intérieur, des fois c'est un peu... Puis des fois ça peut être un peu rébarbatif parce que bon, voilà, on passe de table en table ou des choses comme ça, alors que là non, en fait, c'est bien. Enfin, non, voilà, là, ça fait, on peut vraiment flâner et se promener, c'est okay, vraiment donc, assez agréable. Avec un esprit familial en plus, du coup. Tout à fait, voilà. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous rappeler les temps forts de la manifestation, donc Enfantina? Est-ce qu'il y a des choses, oui, particulières où vraiment il ne faut surtout pas les louper? Et puis nous rappeler eh bien, les dates et puis les lieux, et où est-ce qu'on peut retrouver l'événement? Et ben, temps fort, en fait, c'est une programmation assez riche qu'on a élaborée avec les notamment les auteurs et qui seront là, présents, d'accord, pour présenter leurs nouveaux livres, qui sont aussi des artistes très créatifs et qui ont plein d'idées pour animer en général les salons du livre. Okay. Donc, toutes les heures, il y aura une rencontre avec un auteur du salon, d'accord, qui proposera une animation qui peut aller du conte, du petit concert acoustique, de contes musicaux, mm-hmm, d'ateliers créatifs et de spectacles et de théâtre. D'accord. Voilà, c'est, je sais, ok. Tout, voilà. Il y a tous les heures, arts réunis, au fait. Voilà. Et puis le où, quand, comment, alors du coup, vous rappelez, c'est le samedi et le dimanche 18 et 19 juin, donc okay, ce week-end. Ouais. Et c'est dans les rues du village et les librairies du village juif de Fontenoy-la-Joûte. Okay. On est à 6 km de Baccarat et au sud de Nancy, on est à même pas 40 km au sud, oui, de Nancy. Est-ce qu'il y a une page Facebook qui pourrait être dédiée à l'événement? Oui, tout à fait. C'est notre moyen de communication principal. D'accord. Vous pouvez retrouver notre actualité sur la page Facebook et notre site internet. Et puis sinon, on essaie de tenir au courant les gens de la région du territoire par aussi des panneaux d'affichage. Par exemple, on a un panneau sur l'autoroute, la nationale, entre Lunéville et Nancy. Si, voilà, s'il y en a, d'accord, qui passent par là, ils pourront voir nos futures dates sur ce panneau d'autoroute. Ok, donc le succès sera au rendez-vous, je n'en doute pas une seconde. Merci beaucoup, bon, Mélanie, de nous avoir accordé ce temps. Bon courage pour ce salon, et puis je te dis à très bientôt. À bientôt, merci. Merci Mélanie, au revoir.